divorcer sans le sou pour ne pas finir dans un trou creusé. Les pieds brûlés quand l'astre luit, la peur d'être jeté dans la nuit, des mois au gré des vents et des marées. Liberté, je veux bien être écolo, si vous le permettez, plus pisser dans un seau troué, avoir des papiers. Arrivé dans ce paradis, l'homme blanc m'a donné un sursis, une chaude couverture de fil bas. Ces mots que je ne comprenais pas, son air méprisant dans la voix, un oiseau escorté me ramena. Je serai le roi, avec ma laisse plus jamais affamé. L'échafaud qui m'attend là-bas va me permettre d'achever là une existence faite des pavés choués.